je ferme le mur et je tombe dans le vide. J'ai tu Nathan près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Tant que t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Et tu n'es pas là. Je sais pas comment pour que je me rappelle. Et si je rêve, tant pis. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de jeter. Un coup d'amour, un coup de jeter. La la la. La la. Voilà, c'était le coup de soleil de Richard Cocciante sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 20 février 1938. Naissance de Richard Bemer, acteur américain connu pour son rôle de Tony dans le film West Side Story. 1946, naissance de Brenda Bletin, actrice anglaise connue pour son rôle de Vera Stanhope dans la série télé Les Enquêtes de Vera. C'est également l'année de naissance de Richard Cocciante, chanteur italien. 1964, naissance de Rudy Garcia, ancien joueur de foot français devenu entraîneur. Il a joué de 1983 à 1992 à Lille, Caen et Martigues. Entraîneur depuis 1994, tout d'abord de l'équipe de Corbeil-Essonne, ensuite de Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Lille, l'AS Rome, Marseille et depuis cette saison de l'Olympique Lyonnais. C'est également l'année de naissance de Willie Garson, acteur américain connu pour son rôle de Mozzi dans la série télé FBI Duo très spécial et vu dans quelques épisodes de la série Hawaii 5-0 dans le rôle de Gérard Hirsch. 1966, naissance de Cindy Crawford, mannequin américaine. 1967, naissance d'Andrew Shue, acteur américain connu pour son rôle de Billy Campbell dans la série télé Melrose Place. C'est également l'année de naissance de Lily Taylor, actrice américaine vue dans Née un 4 juillet dans les rôles de Jimmy Wilson et Georgia, Arizona Dream, Prêt à porter, et la série télé Six Feet Under dans le rôle de Lisa Kimmel Fisher. 1968, naissance de Laure Guibert, actrice française connue pour son rôle de Bénédicte Breton dans Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et depuis 2011, Les mystères de l'amour. 1970, naissance de Natasha Lidinger, actrice française vue dans Coco Chanel et Igor Stravinsky dans le rôle de Misia Sert. En 2001, elle sera à l'affiche du film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, vue à la télévision dans plusieurs séries. Hein. Nestor Burma dans le rôle d'Hélène Châtelain, Les Bœufs Carottes, Le Maître du Zodiac dans le rôle du capitaine Eva Tramel, et elle incarne le personnage de Sam Moreau depuis la saison 2 dans la série télé Sam, aux côtés de Fred Testo. 1974, naissance d'Ophélie Winter, chanteuse mannequin franco-néerlandaise, notamment connue pour le titre Dieu m'a donné la foi, retour dans les années 90. Petit extrait. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. trop souffert. Dieu a exaucé mes prières. Voilà, c'était l'extrait de Ophélie Winter. Vous êtes trentenaire, vous avez forcément chanté sur ce titre. Et oui, n'ayez pas honte. 1975, naissance de Brian Littrell, chanteur américain du groupe Backstreet Boys. On va là aussi retourner dans les années 90 avec un extrait du titre I Want It That Way. Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are two worlds. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Voilà pour l'extrait des Backstreet Boys. Vous êtes trentenaire, je suis sûre que parmi vous, il y avait des fans des Backstreet Boys. Allez, on continue. Les anniversaires 1977, naissance de Fred Testo. J'en parlais il y a quelques instants, comédien humoriste français, connu hein, pour son duo avec Omar Sy, et notamment le SAV des émissions. Carrière au cinéma, vue dans Seul Tout, Le Siffleur en 2011, dans La Guerre des Boutons, dans le rôle du Père Simon. Sur la piste du Marsupilami, à la télévision. Dans le téléfilm L'Emprise, dans le rôle de Marcelo Guillemin. Il incarne Xavier Borda, le proviseur, dans la série Sam. Je vous en parlais il y a quelques instants. Vu également dans la série L'Amante, dans le rôle de Damien Caro. Le Temps est assassin, dans le rôle de Servonne. Et actuellement, on peut le voir dans la série Fête des Gosses, dans le rôle de Serge. 1978, naissance de Lorraine Ambrose, actrice américaine, connue pour son rôle de Claire Fisher. Dans la série télé Six Feet Under, c'est également l'année de naissance de Chelsea Peretti, humoriste et comédienne américaine, connue pour son rôle de Gina Linetti dans la série télé Brooklyn Nine-Nine. 1980, naissance de Gringe, rappeur français. 1981, naissance de Marandra Delfino, actrice américaine, connue pour son rôle de Maria De Luca dans la série télé Roswell et son rôle de Joe Pye dans Georgia, dans tous ses états. 1985, naissance de Yulia Olegovna Volkova, chanteuse russe du duo Tattoo. Souvenez-vous, elles avaient sorti le titre All the Things She Said, et on écoute tout de suite un extrait. Free. Voilà pour l'extrait des tatous. Allez, on continue et on termine les anniversaires. Il nous en reste deux. 1987, naissance de Miles Teller, acteur américain. Vu dans Footloose, la trilogie divergente dans le rôle de Peter. Et il sera à l'affiche de Top Gun Maverick, qui sortira cet été, dans le rôle de Bradley Bradshaw. 1988, naissance de Rihanna, chanteuse, actrice barbadienne. Vu au cinéma dans Battleship, dans le rôle de Cora Rakes. Valerian et la cité des mille planètes, dans le rôle de Bubble, ou encore Ocean's 8 dans le rôle de Nineball. Allez, tout de suite, on s'écoute Gringe avec le titre Qui dit mieux. Il est en featuring avec Orelsan, Vald et Suicon Blaz. Poto, il était temps. Depuis le temps que j'ai les pieds dedans, dans la bouche un arrière-goût d'essence, comme si le rap me disait que tout était censé. Mais je vais prendre la poudre des scampettes, j'avance comme cavalier sans tête. Je cherche à me faire habiller sans fait. Vous feriez pareil si vous saviez chanter. Patate, patate, white widow. Je jette son Mac par la window. T'attrapes sa chatte par Wigo. Tu dragues madame par icône. Mes gars, je reste pas parmi vous. Petite peur, tu pas parti tout seul. Parce que comme vous, je suis fou. Et comme fou, je suis vous. Le diable va t'appeler. Barbele, barbele, barbele. Genre ma tête, je sais pas combien. J'ai tendance à bloquer par l'ombre. Disons que dans tous les cas, je vais cartonner. Je remplis les mesures de feuilles blanches. Pour moi, tous ces mailles qui ont des gueules d'ange. Plusieurs vies, une seule danse. Plus une table pour les écarteler. T'as pétasse à sa robe de mariée sur son profil Tinder. Hey. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demande un chromo dealer. Je mise un poids multicolore, j'ai le flow d'un tapis twister. Monde de suiveurs, sur la liqueur, mais la petite sœur à P-Hour, j'arrive à leur enculé. Pourquoi tu poses une photo panique quand tu froid? Smiley, smiley, smiley, smiley sur le troisième doigt. J'ai Z à percer, en fait j'ai Z à prendre la grosse tête. J'préfère celui qui flex à celui qui fait semblant d'être modeste. Être honnête, j'aime les problèmes, j'suis parano, j'suis connu, cache la cam avec une gommette. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Balou ferme là pour toujours, dis-moi qui dit mieux. Whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Fini là, fini là, fini là, fini là. Ta tête est sur le sol et t'entends crier fini là. 8001, 10001, 10001. Mon patron m'a dit j'suis sur contre-verre à dissipeur. Ça perd l'hypophète, parle pas des ex, parle pas des prophètes, ça parle chinois. Au mieux ça sait faire, défaut d'orthographe, j'suis dans des beaux draps, j'voulais sauver le monde, et puis j'étais clair. Mes yeux sont fermés comme si j'avais tout vu. J'pense comme un documentaire sur YouTube, avec la musique de Requiem for a Dream. La guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulue, ça noircit les poumons, ça jaunit les moulures. J'suis seul au monde, il me faut de la monnaie, plus que ça l'homo, j'fais pas l'aumône. J'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur. J'écris des poèmes, j'ai même pas de culture. Crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas. Enfant soldat n'a pas vraiment de futur, c'est froid et lugubre. Dans les environs, et le pipo est joli, chacun sa diction. Deux cœurs dans les yeux, juste avant l'aubergine, ça fait plus mignon. Je vais faire des millions et puis des milliards. Racheter le pouvoir, risquer les impôts. Comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot. Quand j'avais pas de buzz, quand j'étais pas beau. Entre nuit fauve et noce rebelle, ça y est, j'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je retombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisses de rupture qu'on a consommé de nuit de noces. Enfoiré, c'est nous les enfants du divorce. Ouais. Évite rayon du soleil comme chauve-souris, tête à l'envers, rien n'a changé. Les gars, qu'est-ce qu'on glande aujourd'hui? Qu'on va se détruire comme la dernière fois. Mais le problème, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois. Merde. Esprit éclairé, mais une mode de vie sombre. C'est le premier album et j'arrive on flic. Missile dans vos mères, j'ai tous vos Kim Jong. Et passe-moi la liqueur, c'est de la Volvic. Qui demande pourquoi la tente était si longue? C'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe. Mais si tu me follow, je peux viser juste pour te foutre en l'air comme au beer pong. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Balou ferme là pour toujours, dis-moi qui dit mieux. Whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Fini-le, fini-le, fini-le, fini-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier fini-le. 8001, 10001, 10001. Mon patron m'a dit j'suis sur contre-verre à dissipe. Voilà pour Gringe sur le 107 FM. Il est pile 8h50 et on parle météo. La météo. Ce sera une journée plutôt nuageuse, mais on devrait quand même voir le soleil. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 8 et 10 degrés pour cet après-midi. Vendredi, belle journée ensoleillée qui nous attend. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour samedi, ce sera du soleil avec du vent. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Et quelle actualité! Les résultats sportifs. Honneur au biathlon avec les championnats du monde qui se déroulent à Antols en Italie. Hier, c'était l'individuel messieurs et cocorico puisque Martin Fourcade remporte le titre de champion du monde de l'individuel avec un tir à 19 sur 20. Le français remporte ainsi son 11e titre mondial. Il égale le norvégien Ole Einar Bjørndalen. Martin Fourcade écrit encore un peu plus l'histoire du biathlon. Il remporte également le petit globe de la discipline. C'est son 25e petit globe. Va falloir agrandir l'armoire qui commence à déborder. Donc voilà la joie de Martin Fourcade hier qui devance Johannes Bø avec 18 sur 20 au tir. Et il devance en 3e place l'Autrichien Landertinger. Quentin Fillon-Maillet avec un 16 sur 20 s'est classé 7e. Fabien Claude avec un 16 sur 20 termine 19e. Et Simon Détieux, alors lui, ça a été très compliqué sur le pas de tir, 14 sur 20. Et quand on se prend une minute de pénalité à chaque faute, eh bien, ça coûte cher. Simon Détieux termine 59e. Et Florent Claude, lui, a terminé 25e de cet individuel, messieurs. Aujourd'hui, 15h15, c'est le relais single mixte. Et côté tricolore, eh bien, seront alignés Anaïs Bescon et Émilien Jacquelin. Et on pourra également retrouver Florent Claude. À noter que les deux Vosgiens, Fabien et Florent Claude, ne participeront pas à la Mastart de dimanche. Ils ne sont pas qualifiés. Allez, on parle football avec la Ligue des Champions et Atalanta qui s'est imposé 4 buts à 1 face à Valence et le Leipzig qui s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Tottenham. Des nouvelles d'N'Golo Kanté qui est blessé. Il devrait observer jusqu'à 3 semaines de repos. Sera-t-il rétabli pour les matchs de préparation de l'équipe de France fin mars? Eh bien, on aura la réponse à ce moment-là. Un mot de tennis maintenant avec à Marseille. Hier, la qualification d'Herbert en 2-7 face à Kukushkin. L'élimination de Benoît Paire en 3-7 face à Bublik. Aujourd'hui, Gilles Simon sera opposé à Bedene et Herbert affrontera Ogier Aliassim. À Delray Beach aujourd'hui, Hugo Humbert affrontera Kekmanovic et à Dubaï, il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination hier de Kristina Mladenovic qui s'est inclinée en 2-7 face à Pliskova 6-6-2. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Rihanna, le titre We Found Love. Just can't